Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le seigneur des seigneurs? Là, nous sommes en train d'acclamer la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de l'histoire? Est-ce qu'on peut acclamer le maître de toutes choses? On peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de tout temps, le créateur du ciel de la terre. Amen, amen. Nous passons à un moment très spécial où nous voulons louer notre Seigneur. David nous dit dans Psaume 103, il dit, mon âme loue l'Éternel. Béni sois-tu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. N'oublie aucun de ses faits. Si le Seigneur t'a béni ce soir, si le Seigneur t'a gardé au courant de toute la semaine, depuis qu'il en a commencé, tu es parmi le vivant. Il est temps que nous puissions le louer. Il est temps que nous puissions le célébrer. Nous voulons que nous puissions nous tenir tous debout pour bien louer notre Seigneur avec un bon cantique. Betela Nzambe mololo mololo pona Yesu. Mokote akokani na yo. Mokote Ako kanina yo, mokote ako kanina yo, Yesu mokote ako kanina yo, mokote ako kanina yo, mokote ako kanina yo, ah Yesu eh, ako kanina yo, Yesu eh, ako kanina yo, yema mokote. Yemba mokote, ah Yesu eh, Yesu eh, bika kikele kele, kikele kele, Dieu a Yesu, o pobe te lansambe mololo, Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa na biso. Yemba ya solo. Yemba aleluya. Aleluya nzamba solo kumuwe. Yemba aleluya. Yesu azali zela, solo azali zela. Yesu azali zela na bombo. Yesu azali zela, solo azali zela. Yesu azali zela na bombo. Yemba ya solo. Yemba aleluya. Aleluya nzamba zolo kumbuwe. Yemba aleluya. Oh Yesu azali tata biso tozali bana. Yesu azali tata na biso. Yesu azali tata biso tozali bana. Yesu azali tata na biso. Yemba ya solo. Alleluia. Yemba alleluia. Alleluia zamba solo kumuwe. Yemba alleluia. Oye po anjibwe, wambisu majibwe, wacha majibwe, jani jame magwe yemena. Oye po anjibwe, wambisu majibwe, wacha majibwe, jani jame magwe yemena. Oye po anjibwe, wambisu majibwe, Wata maji bwe jani jame mago yemena. Yesu we. Chamakanda njibwa janyi jame makwe yemena. Yesu we. Aleluya. Ah muma kenga njibwe. Muma sanga njibwe. Wana wansambi njibwa janyi jame makwe yemena. Yesu we. Papa wani jibwa jani jame makwe yemena. Ayi muma kenga jibwe, muma sanga jibwe. Wana wansambi jibwa jani jame makwe yemena. Oh kembo kembo kembo. Unana lola ya. Kembo kembo kembo. Unana lola ya. Oh kembo, aleluya. Aleluya eh. Oh kembo, aleluya eh. Aleluya eh. Kese kese kese unana zuya ya. Kese kese kese unana zuya ya. Oh kese aleluya eh. Aleluya eh. Oh kese aleluya eh. Oh aleluya eh. O tokuzana, o lokola nani. O na kokende, tokuzana, o lokola nani. Azali na bombo ile lolo bilibela e. Oh azali na bombo ile lolo bilibela e. Yesu azali na bombo ile lolo bilibela e. Yesu azali na bombo ile lolo bilibela e. Osane moyo waniwe, osana moye. Osane moyo waniwe, osana moye yo. Osana, osana, osana, osana, osana, osana. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Yesu kibwa waniwe, Yesu kibwa waniwe, Yesu kibwa waniwe, Yesu kibwa waniwe, Baka kwa tamano asami, Baka ya penda batuta, Baka kwa tamano asami, Baka ya penda batuta. baja. Oje la banda batuta. Oje la banda baja. Mabogo, mabogo, mabogo, mabogo, mabogo, mabogo, mabogo, mabogo, pika kikele kele. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut acclamer le Seigneur des seigneurs. Il ne mérite pas seulement des acclamations, il mérite aussi notre adoration. Il n'est pas un politicien que nous partons chercher à tout moment où des fois nous avons des portes qui sont fermées. Mais il est le Dieu. À tout moment que nous avons besoin de lui, il nous répond. Moi, je vais l'adorer pour la transformation. Moi, je vais l'adorer parce que je sais que après ces 10 jours, des situations compliquées vont être résolues. La maladie qui n'a pas été guérie par des hommes, il va la guérir dans ces 10 jours. Il n'a besoin que de ton adoration. Il n'a besoin que tu l'élèves. Il a besoin que qu'il sente que sans lui, aucune situation ne peut être résolue. Nous t'adorons. Nous t'élèverons, Jésus, tu le mérites. Élève ta voix. Élève ta voix, adore-le. Solo bagno son con la yosa be. Oyo sale hibiso. Rappelle-le tout ce que tu as fait pour toi. Rappelle-le de haut fait. Yahweh biso tobelemi. Come on. Yahweh Zambe Zua, Zambe Zua, Gembo, Gembo, Yahweh Bilakana Yo, come on, Yahweh Bilakana Yo, oh, Eko Kisamba, Ona Boyo, Oyo Ba. Oh, Dieu ce soir. Il est là. Oh. Sante mangaribi alero. Si l'Éternel n'était pas pour nous, awamelele haukua upande wetu, il nous aurait englouti tout vivant. Uweze kuangamizwa wazima tu. Béni sois-tu, Seigneur. Ashubarikiwe wewe Bwana. Parce que tu ne nous as pas livré en proie à leur peur. Notre âme s'est échappée. Comme un oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur. Le filet jeté sur nous s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Béni soit l'Éternel. Tu ne nous as pas livrés en proie à l'heure. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Tu nous as préservés. Oh, notre secours est en ton nom, Seigneur. Toi qui as fait le ciel et la terre. Je te bénis ce soir, Seigneur. J'élève ce nom merveilleux. J'élève ce nom merveilleux. Ce nom merveilleux. Ce nom merveilleux. Tu nous dis dans Acte 4, 12, que le seul nom qui nous a été donné, pour être sauvé, nous a été donné, pour être sauvé, au-dessus de tout le nom. Il y a un quiconque invoque ce nom ne sera jamais confus. ataweza kupatishwa haya. Il n'y aura pas de confusion dans nos maisons. Hakutakuwa kupatishwa haya katika machumba yetu. Il n'y aura pas de confusion dans nos vies. Maisha yetu mvuruko haitakuwa. Parce que nous invoquons ton nom. Babu tunaita tu jina yako. Nous invoquons le nom de Dieu. Hakika tunaita jina ya Yehova. Oh, sois béni Seigneur. Barikiwe tena Bwana. Sois élevé pour ta fidélité. Niwe tena Yesu kwa ajili ya uaminifu wako. Reçois l'honneur. Asipoke ya heshima. La puissance. Uweso. Et la gloire. Na utukufu. Au nom de Jésus. Nimo jina la Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Kusema, amina. Oh, Seigneur. Oh, bravo Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza kuchapa makofi kwa ajili ya Bwana. Naweza kuchapa makofi kwa ajili ya Bwana. Naweza kuchapa makofi kwa ajili ya Bwana. Chapa makofi kwa ajili ya Mungu wako. Naweza kuchapa makofi. Oh, il est merveilleux. Huyu Mungu ni mwema kabisa. Amen. Nasema wote amina. Tunaweza kuikala. Nous sommes dans la joie d'être là encore dans sa présence. Pour accomplir nos 10 jours de chambre haute, chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous cherchons la face de Dieu, comme on nous a dit hier, nous voyons la main de Dieu dans nos vies. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Surtout pour votre présence. Il y a des moments dans la vie où vous avez l'impression que c'est rien. Mais plus tard, vous réalisez que c'était des moments très importants qui ont déterminé la suite de votre vie. C'est pourquoi prenons chaque moment au sérieux dans notre vie. Il n'y a aucune rencontre avec Dieu qui va passer dans ta vie sans laisser des impacts. Utapita maisha yako bila kuacha alama. Toute rencontre avec le Seigneur. Kutana kote pamoja na Bwana. Laisse toujours un impact. Ukona hacha paka alama moyo maisha yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute rencontre avec Dieu. Ukutana kote pamoja na Mungu. Toute présence de Dieu dans la vie d'un homme. Kila uhepo ya Mungu maisha ya mwanadamu. Impact toujours positivement sa vie. Iko na gusiwa tu paka mahali mzuri kabisa maisha yake. Alléluia. Amen. Et quand ta vie est impactée, na kama maisha yako inagusiwa, tu peux impacter le monde. Na wewe tena utambukizia ulimwengu mzima. Amen. Amen. Vous voulez écouter la parole de Dieu ce soir. Sasa tunapenda kusikia sauti ya Bwana. Et passer encore un moment dans la prière. Na upitie wakati mwingine fulani katika maombi. Mais avant cela, je vais recevoir quelques hommes de Dieu qui sont là. Bele ya ile napenda kupokea kwa watu wa Mungu wapo katikati yetu. Le prophète Jado est là, il peut se lever. Nabii Jado yuko hapa, simame tupokelee mchina la Yesu. Bénissons le Seigneur. Tunabariki Bwana. Asante Bwana. Alléluia. Amen. Celui qui va clôturer demain nos 10 jours de prière. Yeye atamaliza kazi yetu siku 10. Nous vous donnerons le programme. Et je vais recevoir Maman Rose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'elle peut se lever? Nous recevoir. Recevoir. Hallelujah. Au milieu de nous. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. De voir des personnes qui servent le Seigneur avec leur cœur, avec j'étais à Kolwezi. Et je bénis le Seigneur pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et comment ils aiment le Seigneur. Alléluia. Amen. Personne ne peut aimer Dieu sans recevoir au centuple d'abord dans ce siècle. Et la vie éternelle dans le siècle à venir. Amen. Merci maman. Maman, je bénis le Seigneur pour votre présence. Nous voulons recevoir l'orateur de ce soir. L'orateur se retrouve en difficulté. ces 10 jours de la chambre haute connaîtront la participation du pasteur Olivier Mufuegi. Le pasteur Olivier Mufuegi est depuis bientôt 5 ans pasteur responsable de l'église centre missionnaire La Réconciliation basée à Kolwezi dans la province du Lualaba. Marié à maman Rose Mukanzila Mufuegi avec qui ils ont 4 enfants. Le pasteur Olivier est licencié en droit de l'université de Lubumbashi et également en théologie évangélique à l'université Elmer Mary Dill ayant sa direction mondiale aux Philippines et une extension à Lubumbashi et actuellement le pasteur. Ces 10 jours de la chambre haute connaîtront la participation du pasteur Olivier Mufuegi. Le pasteur Olivier Mufuegi est depuis bientôt 5 ans pasteur responsable de l'église centre missionnaire La Réconciliation basée à Kolwezi dans la province du Lualaba. Marié à maman Rose Mukanzila Mufuegi avec qui ils ont 4 enfants. Le pasteur Olivier est licencié en droit de l'université de Lubumbashi et également en théologie évangélique à l'université Elmer Mary Dill ayant sa direction mondiale aux Philippines et une extension à Lubumbashi et actuellement le pasteur Olivier est doctorant dans la même université. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne veulent pas qu'on leur dise comment il faut être sauvé, comment ils peuvent être guéris. De nos jours, nous avons des chrétiens qui connaissent tout. Ils viennent à l'église. Les prédicateurs se retrouvent en difficulté quand ils ont un auditoire de gens qui connaissent déjà tout. Et même lorsque je suis en train de prêcher, on sait déjà comment je vais finir. Esprit de Naaman. Le pasteur Olivier est amoureux de Jésus-Christ, passionné de la parole de Dieu, puissant instrument entre les mains de l'Éternel dans la proclamation de la parole du Dieu Tout-Puissant. Église sur seconde, lèvons-nous et accueillons ensemble l'homme de Dieu. Au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous sommes grandement bénis pour cette marque de confiance. Kwa itumaini wanatupatia. Et accordé à notre modeste personne. Il est banapatia kwa bumuntu wetu. Avant toute chose, je bénis le Seigneur d'avoir permis à ce que je puisse participer à ces assises. Bili ayote nambariki Bwana hivyo aliruhusu nipate kuya pa yoma kutano kwa hiyo chumba ya juu. Particulièrement à mon père. Celui qui m'a présenté, celui qui m'a consacré. Et je suis fier de l'avoir. Et à Mamina aussi qui ne cesse de pouvoir être là dans notre vie qui nous aime. Et nous bénissons vous autres aussi qui êtes là ce soir. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui nous ont précédés. Nabariki Bwana kwa watumishi wa Mungu waliweza kututangulia. L'apôtre Lumbu. Na kwa apôtre Lumbu. Le prophète Barak. Prophète Barak. Prophète Jado. Prophète Jado. Et ceux qui ont travaillé aussi lors de la veillée. Na wale waliweza kutumika siku tulikeshi. Que la gloire revienne au Seigneur. Utukufu imorodirie Bwana. C'est toujours difficile de pouvoir parler après que les aînés y parlaient. Nikigumu kusema kisha wakubwa wao wanesha kusema. L'apôtre est passé, le prophète. Nabii alipita. Deux prophètes m'ont précédé. Nabii wawili waliweza kunitangulia. Deux prophètes. Wawili. J'ai dit deux prophètes. Nasema wanabii tu wawili. Nous allons parler sous l'onction de notre Père. Tutasema chini ya upako ya baba yetu. Je vous prie, nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Temiomba tusimame bwima na tutaheshimia neno la Mungu. J'aurais commis un acte abominable si je ne présentais pas ma femme, ma chère et tendre épouse. Niliweza kufanya tendo mbaya kama nishimionyeshe mke wangu. Intercesseuse. Il vient à quoi tu es dans mon baiser. Elle prie beaucoup pour moi et je bénis le Seigneur de l'avoir rencontré. Amen. Amen. Nous sommes dans Juge. Le texte qu'on nous a donné. Je vais lire dans la version Second et Semeur. Je vais lire d'abord dans la version Semeur, Juge chapitre 6, le verset 34. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du cor. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Dans la version seconde, on dit Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Parole du Seigneur, nous allons reprendre nos places. C'est le thème choisi pour ces 10 jours de prière. Et nous sommes en train de parler de Gédéon. Il faudrait que je dise quelque chose sur cet homme, bien évidemment. Après que les autres aient placé un mot. Napendelea kusema kitu kwa ajili ya huyu mtu hata wengine wanesha kuyasemezea. Gédéon est le fils de Joas. Gideoni anakuwa mwana wa Joas. Il vit à Ophra. Yeye alianza kuishi ku Ophra. Il est issu de la tribu de Manassé. Anatoka mujamala ya Manasse. Pourquoi nous faisons mention de la tribu? Kwa ajili ya nini tunasema juu tena ya jamaa? Parce que Gédéon Sababu Gideon a une corrélation avec Abiézer. Anakuya na ile hali ya uambatanisho na Abiézer. Tous deux wote viennent des mêmes ancêtres. Wanatokwa kambo moja. De Joseph. Yusuf. Joseph a eu deux fils. Yusuf alikuwa na wana wawili. Manassé. Manasse et Ephraim. Na Ephraim. Donc vous allez comprendre pourquoi. Lorsque Gédéon fut revêtu de l'esprit, lorsqu'il convoqua, c'est la tribu d'Abiézer qui est venue en premier. Aliweza kualika, inakuwa tuni, jamaa ya Abiézer iliweza kuya ya kwanza. Ça parle de la famille. Inasemezela kwa ajili ya jamaa. Ça parle de l'union. Inasema kwa ajili ya umoja. Ça parle de la fraternité. Inasemezea kwa ajili ya unduku. Et Gédéon sera appelé Jérubal. Gideoni wakamuita Yerubali. Pourquoi? Sababu gani? Lorsqu'il fut la rencontre avec Dieu, wakati alikutanishwa na Mungu, ce dernier lui dit, va, huyo akamwambia henda, et détruit l'autel de Baal. Aribu mazabau ya Bahali. Il le fit la nuit. Haliweza kuyatenda usiku. Et lorsqu'au petit matin, les gens du village s'aperçurent, asubuhi watu wa jijini wakaona hiyo, que le trône ou encore l'autel de Baal avait été détruit. Ils s'en prirent à Gédéon. Ils vinrent le matin frapper à la porte de son père pour qu'on leur livra Gédéon. Mais j'aime le Dieu qui prépare d'avance les hommes. Il a choisi que ce soit son père qui prenne la défense de son fils. Il va s'interposer devant la colère du peuple. Et il va dire, personne ne sera molesté ce jour. Vous ne savez pas de qui vous êtes en train de parler, mais vous parlez de mon fils. Au-delà de ce qu'il a fait, mais je refuse que mon fils soit tué. Et d'ailleurs, je mets quiconque à défi en disant, mina upinga wote wale wanaweza si kusimama. C'est lui pour qui on a détruit l'hôtel. Kama yule banaharibu tena mimbali yake na Mungu. Alors que Baal, hivyo tena hapali. Plaide pour sa cause. Yeye ajitetee. Automatiquement. Mutelewe ya kusema pale. Son père a pris position pour son fils. Baba yake alikuwa ngambo ya mtoto. Et pour avoir rencontré l'Éternel. Na hivi halikutana na wa milele. Automatiquement, Joaz. Paka pale Joaz. Va continuer à servir le Dieu qui s'est révélé à son fils. Akaendelea kumtumikia huyu Mungu alifungulia kwa mtoto wake. Va appeler par la suite Gédéon, Jerubal. Ni hivi watamuita Gideoni kama Yerubali. Kwa ajili ya nini? Parce que Sabah. Il a pris la peine de faire quoi? De descendre ou encore de faire tomber l'autel de Baal. Sababu aliweza kuangusha tena madhabahu ya Baali. Donc frères et sœurs, l'appel de Gédéon. Duku na dada mwito ya Gideoni. Intervient dans une période où son pays. Inakuwa muile wakati muji. À quatre crises majeures. Ilianza kupita tena maneno mabaya tatu ine. La première crise, ya kwanza, c'est la crise spirituelle. Inakuya tuni ya kiro. Et c'est la raison la plus fondamentale ou encore la crise la plus fondamentale. Inakuwa njo imekuwa sheria ya kubwa sana. Nous sommes en train d'assister à un détournement du cœur du peuple. Tunafika mwakati kule moyo inageuka ya taifa. Inaenda ku miungu ingine. Le cœur du peuple s'est détourné du véritable Dieu. Moyo ya taifa inageukia Mungu wa kweli. Il s'est éloigné du véritable Dieu. Inaenda mbali na Mungu wa kweli. Et il s'est attaché. Iliambatanishwa à Baal, kwa Baali ainsi que à Asherah. Na hivi kwa Asherah. Il était des divinités. Yo ilikuwa ni tumiungu. Et vous allez comprendre frères et sœurs. Mutaelewa ndugu na dada. Que l'autel de Dieu. Mazabau ya Mungu. Était détruit. Yayo iliharibiwa. Alors que à la place l'autel de Baal ainsi que d'Asherah était entretenu. Lakini mazabau ya Baali wao waliikinga. Quoi de plus normal? Nini ile tunaona kama ya kawaida? Dieu les livra entre les mains des Madianites. Hivyo Mungu hawachilie mu mikono ya Wamidiani. Vous comprenez qu'il y avait trois coalitions. Mutelewe kusema kulikuwa kukutana tatu. Il y avait Amalek. Kulikuwa Amaleki. Il y avait Madian. Kulikuwa Madiani. Il y avait aussi la tribu d'Orient. Na kulikuwa tena wale wa kukaskazini. Ils se sont coalisés pour faire la guerre. Wote walijiweka pamoja juu ya kukombanisha Israel. Kukombanisha Israel. Deuxième raison. Na teria ya pili. C'était une crise nationale. Ilikuwa tu ni wakati ya muchi mzima. Où on est en train d'assister à une oppression extérieure. Kule tunapikwanishwa kwa hali ya nje. Ça veut dire que il y a une coalition de peuples, comme je venais de le dire. Nikusema kuko makutano ya taifa hivyo niliyesema. Qui est en train d'asservir le peuple de Dieu. Wao wanaanza kutesa taifa ya Mungu. Les Madianites appauvrissent. Wamidiani wa Israélites qui comme des sauterelles fourmilières de partout. Wanateswa tena wa Israeli na kuya kama wapanja ufasi yote. C'était le moment de récolter. Wakati ilikuwa siku ya kuvuna. Ils faisaient irruption et étaient en train de, n'est-ce pas, de détruire toute la récolte. Wao wamitani waliingia na kuharibu yote walipanda. Troisième crise. Na tena kitu ya tatu. C'est une crise de la déchéance morale. Inakuwa tu ni ya kuanguka kwa bumuntu. Et parce qu'il n'y a pas de Dieu. Hivyo hakuna Mungu. Et parce que le peuple s'est détourné du véritable na Dieu. Na taifa ilimugeukia Mungu wa kweli. Le désordre règne. Kuna kuya tena mvuruko ikatawala. Dieu. Wakati hakuna Mungu. Tout le monde fait ce qui lui semble bon. Mutu wote anafanya ile ikamzuru. Il n'y a plus de cohésion. Hakuna kuwa kwa moja. De justice sociale. Hakuna uwaki tena ya watu pamoja. Pour soi. Kila mutu anajisha peke. Sans repère solide. Mutu asiona ana na msingi ya nguvu. La dernière crise. Na tena ya mwisho. C'était une crise identitaire. Ilikuwa tu ni ya utambulisho. Vous allez comprendre que pendant 7 années. Mutaona ya kusema miaka 7. Personne ne s'est levé. Hakuna mtu alinuka pour défendre la patrie. Juu ya kutetea tena ichi. Personne ne s'est levé. Hakuna mtu alisimama avec un sursaut d'orgueil pour dire. Na kiburi kwa ajili ya kusema. Nous devons mettre dehors Madian. Inabidi tuweke nje Midiani. Gédéon lui-même reflète cette faiblesse. Gideoni naye anaonesha ilo hali ya au sein de la communauté, il y a cette faiblesse d'abord collective. Unaona ile fazi moja kulikuwa mbele udhaifu wa watu wote. Cette faiblesse qui au départ elle est collective va toucher maintenant même Gédéon qui Ile uzaifu ya watu wote kamugusa naye Gideoni. Lorsque Dieu va l'appeler, hata wakati Mungu akamwalika, akasema niko naye. Je suis le plus petit. Niko tena mtoto zaidi. Et même ma famille elle est la plus petite. Hata jamaa yangu imekuwa tena. Donc bref frères et sœurs, c'est dans ce contexte. Ni muio ali wapendwa. Que Dieu a appelé Gédéon. Yeye Mungu alimuita Gideoni. Pour délivrer son peuple. Dieu a kufungula taifa yake. J'aimerais dire à quelqu'un en ouvrant une parenthèse que je vais référer mais tout de suite. Tafungula uketo moja napenda kuambia mtu moja. C'est que lorsque tu réalises une oppression au sein de ta famille, dans ta vie. Wakati unashikwa na kupika ndani ya jamala yako. Sache que c'est le moment où Dieu te veut pour t'élever et défendre ta vie. Jua ya kusema ni wakati Mungu anatamani kukusimamisha na kutetea maisha yako. Le chapitre 6 ou encore le verset 34 constitue ou encore marque un tournant dans la vie de Gédéon. Face à la situation aussi inquiétante soit-elle, Dieu était en train de chercher un homme qui pouvait s'élever et qui pouvait brandir l'épée. Et cette personne, nous ne parlons pas de Gédéon ce soir. Cette personne, c'est toi. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette. La trompette, symboliquement, c'est la communication. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails, mais parce que les orateurs qui m'ont précédé certainement ont parlé de tout le point. Et moi, ce soir, à la veille d'un jour aussi important soit-il, le jour de la Pentecôte, je vais parler exclusivement du revêtement. Parce que la Bible déclare, l'Esprit revêtit, l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Tout ce qui va suivre a comme source le revêtement. Sans le revêtement du départ, Gédéon ne serait pas appelé Gédéon aujourd'hui. Donc il a fallu qu'il y ait un avant. Et parce qu'il y a eu un avant, et donc tous les restes, ce qui vient, c'est la conséquence du revêtement que l'Esprit de l'Éternel a accordé à Gédéon. Et donc, pour éviter une confusion, je vais faire une étude comparative entre ce que n'est pas le revêtement. Et c'est que le revêtement. Donne-moi un bon amen. Là, je n'entends que mon père dire amen. J'en suis même honteux. Alors, qu'est-ce que le revêtement spirituel n'est pas? Le revêtement n'est pas une sensation. Hali ya kuvikwa ya kiroho haina tu kubia kusikia. Ou une émotion. Hao tu ile mania. En d'autres termes, le revêtement n'est pas zombwe, hein. Sinon, il est zombwe, il est. Tu vois cette sensation. Ce n'est pas ça le revêtement. Haina ile hali ya kuvikwa. Deuxième chose qui n'est pas le revêtement. Kitu ya pili ile haina hali ya kuvikwa. Ce n'est pas un accessoire pour impressionner. Haina tu kitu kile tunavua la juu ya kuonesha kwa wengine. Je peux être là. Naweza kuwa hapa. Revêtu de l'Esprit de Dieu. Minesha kuvikwa na roho ya Mungu. Mais personne ne le saura. Lakini hakuna mtu anapokea. Fort malheureusement de nos jours. Kwa hiyo masiko. Nous sommes en train de voir dans l'église ndani ya kanisa, à peine que la personne elle est revêtue. Kisha mtu kuvikwa tu. Voyez vraiment que ça commence à impressionner un peu tout le monde, que ce soit dans la famille, un peu dans l'église. Unaona inaanza kushangaisha watu wote ndani ya jamaa. Et plus personne ne parle à cette personne. Hakuna mtu anasema na huyu mtu. Bon. Hata kama mimi naonesha bile biote bile. Même si je montrais tout cela. Il y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Troisième chose qui n'est pas le revêtement. Le revêtement n'est pas une couverture de péché. Ce n'est pas parce que tu es revêtu de l'esprit de l'Éternel que tu peux te permettre de faire tout. Non. On ne le touche pas, ce sont des personnalités. Ce sont des personnes qui parlent avec Dieu. Ce sont des personnes. Mon œuvre de puissance, c'est quoi moi? Et dans l'œuvre de puissance, donc, nous les rencontrons. Vous allez comprendre que juste c'est au travers du revêtement, plusieurs sont en train de se cacher. Et ils pensent que le revêtement, c'est une couverture du péché. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Et quatrièmement, le revêtement n'est pas un remplacement de la croissance spirituelle. Tu es revêtu, mais tu dois continuer à croître. Depuis que tu manifestes les dons, tu ne respectes même plus les autorités ecclésiastiques. Tu as cessé de croître, tu te crois vraiment arrivé. Et pourtant, la vie spirituelle, c'est une vie de croissance perpétuelle. Alors, si le revêtement n'est pas, alors qu'est-ce le revêtement? Alors, retenez, frères et sœurs, le revêtement, c'est une manifestation de la présence de Dieu sur une personne indiquant que Dieu agit au travers de la personne. C'est ça le revêtement. C'est la manifestation de la présence de Dieu attestant, confirmant que Dieu est en train d'agir au travers de la personne. Et lorsque Dieu investit quelqu'un, c'est pour servir, pour libérer, pour conduire. Comme le montre Ésaïe le chapitre 61, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Deuxième chose, qu'est le revêtement? Le revêtement, c'est un sceau de l'autorité spirituelle. Il confère de la puissance permettant aux croyants de résister face à toute attaque de quelque nature que ce soit. On confère de la puissance. Troisième chose, qu'est le revêtement? Le revêtement, c'est un acte de transformation intérieure. Ça veut dire quoi? Il change la nature de celui qui le reçoit et lui accorde une nouvelle identité. Et quatrièmement, c'est quoi le revêtement? C'est juste un appel à la consécration. Ça veut dire quoi? Il exige une vie de mise à part pour Dieu. Une obéissance continuelle. Et ceci dit, quel est le but du revêtement? Vous allez comprendre, frères et sœurs, que lorsque Dieu revêt quelqu'un, ou encore lorsque l'Esprit revêt quelqu'un, il ne revêt pas pour décorer quelqu'un. Mais lorsque le revêtement vient, il vient déployer la personne. Ce n'est pas pour juste une décoration bête, non. Ainsi, le revêtement, frères et sœurs, pour but de nous aider à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et parlant du revêtement, je voudrais donner 5 vérités profondes. Premièrement, c'est que l'obéissance précède le revêtement. Je répète, l'obéissance précède le revêtement. Pour dire, il n'y a pas de revêtement sans obéissance. Pourquoi je dis ça? Avant que Gédéon ne démontre ce qu'il a été capable de faire, avant ce revêtement, Gédéon avait obéi à un ordre que Dieu lui avait donné. Et Dieu lui avait dit, va détruire l'autel de Baal. Quelle que soit l'heure à laquelle Gédéon a accompli la mission, Dieu ne lui a jamais dit, va le faire la journée. Dieu ne lui a jamais dit, va le faire la nuit. Mais parce que Gédéon était un homme poltron, et Dieu a accepté l'heure à laquelle Gédéon l'a fait. Mais ce n'est pas l'heure qui importe ou encore le temps. C'est l'obéissance qui importe. Frères et sœurs, vous voulez être revêtu. L'obéissance doit vous caractériser. Il n'y a pas de revêtement sans obéissance. J'ai dit dernièrement, il y a un frère, à peine qu'il ait terminé de... Il était président du culte, hein, il modère. D'ailleurs, c'est le vendredi ici. Il termine. Moi, je le cherche, je ne le trouve pas. Je dis, mais où est-elle? Il dit, on ne sait pas. Après le culte, je vois quelqu'un rentrer. Ce vendredi. Après le culte, tu étais où? Oh, j'étais au salon de coiffure. Je suis allé coiffer les gens. Un frère. Tu laisses le culte, tu as présidé le culte. Et tu vas. Mais tu connais même. C'est quoi le rôle d'un président du culte? En fait, c'est toi qui devais continuer à faire le service. Au cas où je suis fatigué. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, toute bénédiction en dehors de l'obéissance ne vaut rien. Fort malheureusement, nous avons des chrétiens, comme on venait de le présenter dans la vidéo, nous avons des chrétiens au comportement des Naman. Des gens qui connaissent tout, qui ne veulent pas qu'on leur dise qu'il faut faire ça. Sois obéissant au nom de Jésus-Christ. Deuxième vérité. Le revêtement ne vient pas avec la maturité, ni avec l'âge, ni avec l'expérience. Mais le revêtement vient avec la disponibilité. Ça veut dire quoi? Dieu ne nous choisit pas en fonction de ce que nous sommes capables de faire. Mais Dieu nous choisit en fonction de ce que lui est capable de faire au travers de nous. Tu peux être une grande personne. Cela ne te donne pas la puissance. Donne-moi un bon amen. Cela ne te confère pas le revêtement. Le revêtement ne suit pas l'ancien. Le revêtement ne suit pas le diacre. Le revêtement ne suit pas les diaconesses. Ou parce que toi tu chantes bien, donc tu es candidat au revêtement. Je vais me faire probablement des ennemis ce soir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le revêtement ne suit pas l'expérience. Mais le revêtement suit la disponibilité. Il n'y a que ceux qui sont disponibles. Ce sont ceux-là qui peuvent être revêtus de la puissance de Dieu. Le revêtement ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits. Non, mais Dieu nous choisit parce que nous sommes prêts. Gédéon était prêt. Et pourquoi Dieu n'a pas choisi son père? Est-ce que dans sa génération il n'avait que Gédéon? Mais parce que Gédéon a fait preuve de l'obéissance. Mais deuxièmement, Gédéon a fait preuve de la disponibilité. Le revêtement cherche celles et ceux qui sont disponibles encore aujourd'hui. Dieu ne cherche pas les héros. Dieu choisit des cœurs disponibles. C'est pourquoi un cantateur est en train de dire, je suis disposé. J'arrête là, j'aurai des problèmes avec ma femme. Elle me dit pourquoi on a venu à côté de ma mimbo à ville. On a essayé ma ouïe et kouimba. Une femme qui me dira pourquoi tu aimes toujours entonner, pourtant tu ne connais pas chanter. Troisième vérité. Au sujet du revêtement. Il est une semaine quoi dire à couvrir. Le revêtement ne se manifeste pas dans la spontanéité. Couvrir quoi à couvrir quand il chante pas car quoi il est wakati parler. Le revêtement ne se manifeste pas dans la soudanéité. Aïe on pas car il est wakati à parler. Mais c'est le fruit d'une préparation antérieure. La kini me quoi ni matuna ya uteri shoya sama. Quand vous voyez un homme revêtu de la puissance d'en haut. Ukione mtu mwenye kuvikwa kwa uwezo ya juu. Sachez qu'il a passé beaucoup de temps dans la préparation. Mujue ya kusema ali. Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui, tout le monde voudrait prophétiser comme le prophète Jado. Mais vous ne pouvez pas savoir ce par quoi il est passé. Ce n'est pas soudain, ça ne vient pas comme ça. C'est les fruits des efforts, du sacrifice, de la préparation. Et Dieu sonde les cœurs ainsi que les reins. Et tel que nous sommes ici, Dieu connaît les cœurs qui sont prêts à recevoir cette visitation. Le Gédéon craintif au départ, inconnu au départ, est devenu un étendard pour sa nation. Le revêtement ne s'improvise pas. Ce n'est pas comme le ministère ici, lorsque vous allez, si vous partez à la montagne de Kampumpi. Kampumpi. Ah ouais, c'est tout quand d'accord les choses. Je ne peux pas aller à cette montagne. Ça ne s'improvise pas. Il est à toi que tu crois gaffe la vie. On a commencé l'église pendant 3 ans. Et j'ai attendu. Il y a de ces choses que je ne pouvais pas faire. Je ne célébrais pas le mariage. Je ne faisais pas. J'étais limité. Et j'ai attendu que mon père vienne mettre la main, me wane, me libère. J'ai attendu. Pourquoi tu ne veux pas attendre? Nous vivons avec une jeunesse qui improvise tout. Juste parce que tu vas à la montagne, tu redescends. Okay. Non, je suis revêtu. À Lubumbashi, alors que j'étais étudiant, il y a une église au niveau du Gra, on avait écrit. Église telle du pasteur tel ou un par l'Éternel lui-même. J'ai dit même Jésus a été présenté par Jean-Baptiste. Aujourd'hui nous avons des consacrés qui sont venus comme ça. Attends les revêtements au nom de Jésus-Christ. Et quatrième chose, ce n'est pas l'homme qui choisit le moment du revêtement. Mais c'est Dieu qui déclenche cette activation. Et le revêtement nous fait passer de l'anonymat à l'exposition. De la peur à la foi. Du silence à la proclamation. Les Gédéons qui étaient en train de se cacher au pressoir. Lorsqu'il a reçu ce manteau, il est sorti. Et j'ai aimé l'adoration de papa. Il a parlé de l'impact. J'étais en train de me dire intérieurement, papa, en tout cas, arrêtez par là, parce que ça fait partie de mon message. Frères et sœurs, il n'y a pas de revêtement sans impact. Tout revêtement vient avec un impact, quel qu'il soit. Tout véritable revêtement crée un impact personnel et même collectif. Et ce revêtement a suscité l'union, l'unité, ainsi que la mobilisation de tous. Quel est l'esprit qui est en toi qui t'appelle à sortir du clan? Quel est l'esprit que tu as reçu qui t'amène à quitter l'église? Si c'est l'esprit de l'Éternel que tu as reçu, même après les revêtements, tu seras toujours au pied de notre Père. J'aimerais dire à quelqu'un, sois obéissant, même après avoir été revêtu, parce que Dieu ne cherche pas de rebelles, Dieu est en train de chercher des cœurs ainsi que des hommes disponibles et des cœurs prêts. Dieu appelle des hommes ainsi que des femmes au départ ordinaire à accomplir des missions extraordinaires. Ton ministère n'aura d'impact que si tu as quelqu'un au devant de toi. Vous allez me dire, mais quel est l'objectif de votre message? J'en viens. J'ai donné le but du revêtement. Mais l'objectif que nous allons poursuivre, vous et moi, ce soir, c'est de comprendre le revêtement au travers de Gédéon et son accomplissement à la Pentecôte. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas parler du revêtement de Gédéon si vous ne parlez pas du revêtement des apôtres. Si vous ne parlez pas du revêtement dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque l'esprit venait, il venait pour un temps et puis il repartait. À quoi ça nous servirait de parler des revêtements de Gédéon si nous ne pouvons pas parler du revêtement actuellement? Et parlons de la Pentecôte. C'est là que j'en viens. Peut-être que je vais choquer plusieurs. Je ne suis pas venu apporter une doctrine, une nouvelle doctrine, loin de moi. Peut-être que ce que je veux dire va choquer quelques-uns. Mais écoutez, frères et sœurs, j'ai lu la Bible et j'ai compris ceci. Le Saint-Esprit dont nous parlons plutôt n'est pas descendu le jour de la Pentecôte. Ah, j'entends quelqu'un dire, ça c'est quoi encore? Tous ces temps, nous savons que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Non. Alors vous allez me dire, mais vas-y, explique. Lisons. Prenons Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, à partir du verset 19, la Bible déclare, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le verset 22, qui constitue même le socle de ce que je venais de dire, la Bible déclare, après ces paroles, il souffla sur eux. Et qu'est-ce que Jésus dit? Recevez le Saint-Esprit. Acclame bien. Si ce que j'ai dit est vrai, acclame. Alors, vous allez me dire, non. Jésus a dit, recevez l'Esprit Saint. Même quand tu dis Saint-Esprit ou Esprit Saint, je ne veux pas entrer dans le jeu de mots. Mais la Bible déclare, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez. Il a dit, recevez l'Esprit. Il a dit, recevez le Saint. Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit n'est pas descendu le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient déjà loin avant le jour de la Pentecôte. Mais Jésus savait qu'il y a la première phase que je dois vous donner. Mais écoutez ce qu'il va dire. Luc 24, 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Vous voulez une autre preuve? Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 8, la Bible déclare, mais vous recevrez. Qui a la Bible? Voilà. Lisons. Mais vous recevrez quoi? Non, je n'ai pas entendu. Vous recevrez quoi? Virgule. Alors je vous pose la question. Les disciples étaient-ils déjà loin? Ils ont attendu seulement le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'était la première phase. Et vous allez convenir avec moi, c'est Jésus est ressuscité. C'est après sa résurrection. Alors vous allez me dire, c'est un autre esprit dont Jésus parlait. Non. La Bible déclare, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qui est en train de nous animer même aujourd'hui. Le prophète Jadot prophétise avec le même esprit qui a ressuscité Jésus. Jésus d'entre les morts. Je suis en train de prêcher avec le même esprit, frère. Il n'y a pas deux esprits dans la Bible. Il n'y a qu'un seul esprit. Et les disciples l'avaient déjà reçu avant le jour de la Pentecôte. Mais pour que mon enseignement soit complet, allez me dire, bon, là, nous sommes un peu déboussolés. Explique-nous, parce que tantôt, je parle du Saint-Esprit. Tantôt, je parle du revêtement. Alors, je vais donner une différence entre le Saint-Esprit et le revêtement. Hosanna. Amen. Hosanna. Amen. Le Saint-Esprit et le revêtement. La première des choses à savoir, la première différence, le Saint-Esprit est la source du revêtement. Je répète, le Saint-Esprit est la source du revêtement. Ça veut dire, il n'y a pas de revêtement sans le Saint-Esprit. Oh, j'aimerais encore dire, vous ne pouvez pas opérer dans la puissance sans la source qui procure cette puissance qui est le Saint-Esprit. Pour dire encore, le revêtement suit le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui suit le revêtement. Le don spirituel suit le ministère. Mais ce n'est pas le ministère qui suit le don spirituel. Tu peux avoir un don de prophétie, mais cela ne te donne pas le droit d'aller chercher une bâche. Tu vas établir une tente et directement tu commences à diriger les gens, c'est une église. Non. Tu vas toucher au fétiche. Le ministère ne se fonde pas sur le don. C'est le don qui suit le ministère. Moi, j'ai le don d'enseigner. Je ne suis pas prophète. Mais il y a des dons qui suivent le ministère que j'ai. Donc, le ministère ne se base pas sur un don quelconque. Nous avons au départ le ministère. Et à ce ministère, Dieu confère les dons. Et ce sont ces dons qui vont suivre, qui vont accompagner le ministère. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et donc, frères et sœurs, le revêtement tire sa puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit est la source du revêtement. Bon, je vais encore l'expliquer. Deuxième différence. Le Saint-Esprit, il est intérieur. Je n'ai pas entendu un amen. Le Saint-Esprit, il est intérieur. À la différence dans l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit venait, il restait un moment et puis il repartait. Dans la nouvelle alliance, au travers de la mort ainsi que de la résurrection de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est permanent. Il ne vient plus sur nous, mais le Saint-Esprit vient en nous. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il a le rôle de transformer. Il a le rôle de sanctifier. Il a le rôle de produire les fruits de l'Esprit. Selon Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la douceur, la bénignité, ainsi la maîtrise de soi, toutes ces choses. Et donc toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit en nous qui les manifeste. Maintenant, à la différence, si le Saint-Esprit est intérieur, le revêtement est extérieur. Ça veut dire là où on ne voit pas le Saint-Esprit en nous, on voit la manifestation de l'Esprit en nous au travers du revêtement que nous avons. Et quand le revêtement vient, il vient pour nous équiper, il vient pour nous envoyer, il vient manifester le feu de l'Esprit. Alors sache aujourd'hui cette différence. Le Saint-Esprit est intérieur, mais le revêtement est extérieur. Troisième différence. Le Saint-Esprit est une personne, mais le revêtement est une manifestation de cette personne. Bref, le Saint-Esprit est l'expression extérieure, le revêtement plutôt, est l'expression extérieure de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de revêtement sans Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand vous voyez quelqu'un être revêtu, sachez qu'en lui, il y a le Saint-Esprit. Alors, si je m'arrêtais par là et que nous prions, moi en tant qu'enseignant, mon enseignement ne serait pas complet. Parce que voyez-vous, il y a une différence entre la prédication, l'exhortation et l'enseignement. L'enseignement répond à la question comment. Et nous allons voir avec vous, avant bien évidemment de terminer, comment recevoir et conserver le revêtement spirituel. Premièrement, par la recherche. Par la recherche. Retenez cette vérité. L'intensité de la recherche crée la profondeur du revêtement. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que Dieu se cache, mais il se révèle en proportion de notre recherche. Dieu ne se cache pas. Il se révèle par rapport à la recherche que nous avons en nous. C'est comme une montagne spirituelle, frères et sœurs. Tous sont appelés à gravir, à monter. Mais seuls ceux qui sont endurants atteignent le sommet de la montagne. Jérémie chapitre 29, le verset 13, la Bible déclare: vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La relation avec Dieu est comparable à un puits profond. Plus on creuse avec ferveur, plus on découvre des eaux vives. Pour dire, le revêtement ne tombe pas sur ceux qui s'approchent avec tiédeur. Mais le revêtement tombe sur ceux qui cherchent Dieu avec passion. Nous sommes à l'aube d'un jour aussi grand. Une défaite chrétienne. La Pâque. La Pentecôte, Pentecôte, la fête des tabernacles, tabernacle, le Yom Kippour, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, le revêtement est une réponse à une quête fervente. Je n'ai pas besoin de crier, mais je voudrais, alors que je suis en train de parler, que dans ton cœur, tu commences déjà à soupirer au-dedans de toi, que tu recherches le revêtement. Deuxième façon, comment recevoir le revêtement et comment le conserver? Par la disponibilité. Écoutez ceci, frères et sœurs, le revêtement est disponible, mais la puissance qui en découle, elle est personnelle. Je répète, le Saint-Esprit, il est universel. Ça veut dire que tel que nous sommes ici, le Saint-Esprit peut se manifester pour tout le monde, pour l'Église. Mais le revêtement, il est personnel. Nous pouvons être là. Nous pouvons être tous être revêtus. Mais combien sont ceux-là qui peuvent manifester ce revêtement? Le Saint-Esprit, c'est une chose. Mais le revêtement en est une autre. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu n'es pas revêtu de la puissance. Parce que le revêtement, c'est le power. C'est la puissance. C'est une connexion à la divinité de Dieu. Malheureusement, plusieurs se contentent seulement de la présence de l'Esprit. Et ils s'arrêtent là. Mais il y a autre chose à découvrir. Et cette autre chose à découvrir, c'est ce que nous appelons le revêtement spirituel. Le Saint-Esprit, il est universel. Tout le monde prie pour le Saint-Esprit, mais tout le monde n'est pas revêtu. Nous sommes ici, une dizaine de personnes, une vingtaine, cinquantaine, au-delà. Mais combien sont revêtus? Et ça, il faut que l'Église en parle. Parce que nous nous sommes seulement limités au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais Jésus a donné le Saint-Esprit avant. Mais il savait qu'il y a, il faut une puissance. Plusieurs chrétiens n'ont pas la puissance. Il reste seulement au niveau du Saint-Esprit. Mais il ne manifeste pas les effets du revêtement. C'est la puissance, l'autorité. Quelqu'un voudrait être revêtu ce soir. Quelqu'un est prêt à dire, Seigneur, j'ai comme l'impression que j'ai besoin encore de quelque chose. Quelque chose de plus grand. Quelque chose que je ne puisse pas supporter. Vous savez, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Attends, venez, venez. Vous sommes nommés, venez. Vous êtes mariés? Non, venez. Ça tombe bien. Ma femme est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Mettez-vous à genoux. Comment vous appelez? Pardon? Il m'est arrivé plus d'une fois, alors que je suis en train de prier ou bien d'imposer la main sur quelqu'un, là je vous donne les effets. Vous sentez que votre main, elle est devenue comme ça. Nous pouvons être en train de prier. Tu sens que tu commences à monter. Nous pouvons être en train de prier, mais tu vois que cette église, la source féconde, devient toute petite et toi, tu tiens le globe terrestre dans tes mains. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, chacun de nous connaît comment le Saint-Esprit se manifeste en lui. Frère, je la chair, c'est ma chair de poule. Tu sens la chair de poule. Parce que le revêtement, c'est un autre corps qui vient t'habiter. Tu as comme l'impression que ni maungu ina kutembea. Tu peux sortir ici. Laissez-moi vous dire. Lorsque Dieu nous a fait, de sorte que lorsque notre esprit croise un autre esprit, il n'est pas bon. Notre esprit réagit. Ça ne demande pas d'avoir le Saint-Esprit. Mais quand tu réagis, quand tu sens qu'il y a quelque chose, tu es capable de te dire, pourquoi Dieu a mis cette chose en nous. Et c'est comme ça, lorsque le revêtement vient, il s'empare de toi. Il t'habille, il prend possession de toi. Et tu peux manifester la divinité de Dieu ainsi que la puissance. C'est juste un exemple. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de message pour vous. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais j'aurais aimé lui donner un message. Hein? Je me limite à ce que Dieu m'a donné. Amen. Vous savez, quand vous connaissez votre couloir, vous ne pouvez pas faire des jaloux. Je bénis le Seigneur pour le ministère du prophète Jado. Il est prophète, moi je suis enseignant. Je m'exerce dans ce que Dieu m'a donné. Et lui aussi, il est en train de s'exercer davantage dans ce que Dieu lui a donné. Mais pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Amen. Tous peuvent avoir l'esprit. Mais tous ne peuvent pas marcher selon la même onction. Et même le revêtement peut être identique, mais différent en manifestation. Dans Jean, le chapitre 13, le verset 23, la Bible déclare, un des disciples que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Et vous allez comprendre la position de Jean. Jean est cet apôtre qui dormait sur le sein de... Ça veut dire que de tous les disciples, il n'y a que Jean qui a entendu les battements du cœur de Jésus. Personne d'autre, alors qu'ils étaient tous à la table. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Frère, le revêtement demande la disponibilité, demande la recherche. Et je voudrais terminer avec le troisième point. Comment recevoir le Saint-Esprit? Plutôt le revêtement. Par la faim et la soif de sa présence. Je voudrais donner une vérité en disant, Dieu n'est pas accessible à tous de la même manière. Donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas accessible à tous de la même manière. Pour dire, le niveau d'accès dépend de l'appel. Le niveau d'accès dépend de la disponibilité. Le niveau d'accès dépend de la préparation. Vous allez comprendre que Jean sur l'île de Patmos, il était là, la Bible déclare, il a entendu une voix qui lui dit, ce que tu vois, ce que tu entends, écrit. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau qui est donné à tout le monde. La Bible déclare, Jean a commencé à écrire sur base de ce qu'il voyait et entendait. Mais alors qu'il était en train d'écrire, ça, c'est le deuxième niveau que plusieurs n'atteignent pas. La Bible déclare, parce que Dieu a vu la disponibilité. Il a vu la recherche, la soif dans le cœur des gens. Automatiquement, la Bible déclare, une porte, il vit une porte s'ouvrir. À la différence de la première mention, il a entendu la même voix. au chapitre 1er d'Apocalypse, qui lui avait dit ce que tu vois écrit. Mais cette fois, la voix est venue et lui a dit: Jean, ce que tu es sur le point d'écrire maintenant dépend maintenant de ta disponibilité. C'est un autre niveau, un autre level. Et pour accéder à ce mystère, tu dois être capable de faire quoi? De monter. Fort malheureusement de nos jours dans l'église, les chrétiens ne veulent pas monter dans la dimension de la grâce. Les chrétiens veulent seulement le don qui se manifeste, parler en langue. Ça ne suffit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les visions ne viennent pas à toi, tu dois monter pour aller chercher ces visions là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un niveau de vision, il y a un niveau de révélation qui ne descendra jamais là où tu es. Dieu nous donne certaines visions terre à terre, mais il a mis certaines visions là-bas. Et il faudrait que l'homme fasse un effort pour monter. Et écoutez, la Bible me dit, lorsque Jean est monté, la première des choses, il n'a plus entendu la voix, mais il a vu le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, ne peut voir le trône, ne peut accéder à la dimension de la gloire de Dieu, que cette personne qui a une quête pour Dieu, qui a une soif pour Dieu, je prie ce soir que Dieu dépose une soif en nous pour que nous arrivions à les connaître autrement. J'en ai assez. Qu'on me présente le même Dieu des autres. Ce soir, je voudrais voir le Dieu qu'on m'a toujours présenté. Dieu est accessible, frères et sœurs. Sortons de nos bancs. Sortons de la religion. Sortons de la routine. Nous devons aller chercher ce qui ne va pas descendre. Il en est de même de certaines bénédictions, frères et sœurs. Dieu peut te donner. Mais à un certain niveau de bénédiction, Dieu les a placés là-bas. Et il te dit, si tu veux ça, si tu veux ça, si tu veux ça, tu dois monter. Tu veux le mariage, tu dois monter. Tu veux le travail, tu dois monter. Tu veux le revêtement, tu dois monter. Il y a une porte devant toi. Il y a une seikaropainake. Il y a une porte au-devant de chacun de nous. Dieu a ouvert une porte. Et remarquez, la Bible déclare cette porte, elle n'était pas fermée. Cette porte, elle était déjà où? Ouverte. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Cherche à monter. Cherche à monter. Parce que ceux qui cherchent profondément sa présence accèdent à des niveaux d'autorité spirituelle plus élevés. Je peux être petit de taille, mais je manifeste la puissance. Je peux être petit de taille, ne m'inimise pas. Ne m'inimise pas. Ne m'inimise pas. Je peux être court. Ma femme est lancée. Mais qu'est-ce que ça? Je peux manifester la puissance. La Bible déclare, Jésus a appelé ses disciples. Il les a envoyés deux à deux. Et lui, il est resté. Là où ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont trouvé Jésus, le maître assis. Ils étaient tellement excités dans leur cœur qu'ils ont dit au maître: Maître, le travail que tu nous as donné, nous avons trouvé les démons. Nous les avons chassés. Nous avons trouvé les maladies. Nous les avons guéris. Mais j'aime le calme de Jésus. J'aime le calme de Jésus. Et Jésus va regarder à gauche. Certainement que Jésus a rigolé un peu. Et il a dit: alors que vous étiez en train de faire ces choses, moi je voyais le diable tomber. Moi je voyais le diable tombée. Pourquoi les disciples ont manifesté le revêtement? Je ne veux pas perdre le temps. Je ne veux pas abuser de votre temps. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je voudrais donner quelques points de prière, après quoi je vais laisser à notre Père le soin de continuer. Vous allez comprendre que le premier résultat de ce que Gédéon avait entendu venait d'apprendre n'était pas de le pousser dans le service. Ça, c'est un fait oublié dans nos églises. Mais lorsqu'il a appris de Dieu, Dieu a fait de Gédéon d'abord un adorateur. La Bible déclare, il bâtit un autel. Il bâtit un autel. Quand tu lis bâti l'autel, c'était un autel d'adoration. Ça veut dire qu'il reconnaissait qu'en Israël, il n'y avait pas de Dieu. Et quand Dieu fait de nous d'abord des adorateurs, si vous adorez le Fils de l'homme, la Bible déclare, vous saurez qui il est. Et parce que Gédéon est devenu un adorateur, Dieu a été capable maintenant de lui parler. Il a attiré son attention. Il a dit, parce que tu m'as adoré, je vais te demander un deuxième hôtel. Tu as érigé un hôtel à ma faveur. Tu m'as demandé d'attendre. Il n'y a pas de problème, je vais attendre. Gédéon est parti. Il est revenu. Il a trouvé Dieu. Là, il l'attendait. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à une attitude d'adoration. L'adoration fait tomber des murailles. Mais là où je voudrais en venir, c'est que Dieu a demandé une chose. Il dit, Gédéon, parce que j'ai attiré ton attention, va et renverse l'autel de Baal. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le renversement des autels est le premier secret de la puissance de Dieu. Donc il y aura l'autel de Baal dans notre vie. Dieu ne se manifestera pas. Israël était en train de croupir sous les jougs des Madianites. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient éloignés du véritable Dieu. Parce qu'ils s'étaient tout loin de Dieu. Et ils ont érigé d'autres hôtels. Ici, il y avait l'hôtel de Baal, partout. Et de l'autre, il y avait l'hôtel de Achéra. Et Dieu regarde cela. Il dit, je ne peux pas agir tant qu'il y a des hôtels. Frères et sœurs, la puissance de Dieu ne peut pas agir là où il y a des hôtels qui ont été construits. Soit c'est l'hôtel de Dieu d'abord, soit c'est l'hôtel du diable. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, nous ne parlons pas de l'hôtel de Baal. Nous sommes en train de parler des hôtels que nous avons entretenus dans nos vies. L'hôtel du péché, l'hôtel de la souillure, l'hôtel de l'hypocrisie, l'hôtel de l'adultère. Frère, tant que ces choses seront là, Dieu n'agira pas. Parce que Dieu n'agit pas dans le désordre. Mon Dieu, il est pur. Et il appelle celles et ceux qui peuvent venir à lui. La Bible déclare, soyez saints. Comme moi-même, je suis saint. La première des choses que Dieu a demandé, c'est renverser. Il n'y a pas de revêtement si tu ne détruis pas d'abord l'autel qui est en toi. Chacun de nous ici présents entretient un autel. Je ne sais pas quel est l'autel que tu es en train d'entretenir. Le peuple s'est détourné. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Pose-toi la question. Ce que je suis en train de vivre, ne serait-ce pas le fruit de ma désobéissance? Il n'y a pas de revêtement sans obéissance. Et c'est ça la première requête. Dieu nous demande. Vous voulez ça? Détruisez d'abord. Alors nous allons entrer dans la prière. Nous allons prier. Tu vas détruire tout hôtel dans ta vie. Vous savez, il y a de ces personnes mal intentionnées qui ont fait que nous-mêmes, nous n'avons pas construit, érigé des hôtels. Mais ils sont venus dans nos vies et ils ont érigé des hôtels à notre insu. Et nous sommes en train de détruire ces hôtels-là. Nous sommes en train de claquer les mains et nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un hôtel dans ta vie. Il y a un hôtel dans ta vie. C'est la première chose que Dieu te demande. C'est la première chose que Dieu te demande. C'est la première chose que Dieu te demande. La puissance du Saint-Esprit ne peut pas se manifester là où il y a des hôtels à d'autres divinités. Mon Dieu, c'est un Dieu jaloux. Mon Dieu, c'est un Dieu jaloux. Détruis cet hôtel-là. Détruis cet hôtel-là. Mets en miettes cet hôtel-là. Détruis-le, détruis-le, détruis-le. Il n'y a pas de manifestation de l'esprit. Là où il y a des hôtels qui nous réclament. Détruit, détruit, détruit. Funja, funja, funja, funja. Pomona, Pomona, Pomona, Pomona, Pomona, Pomona, Pomona, Pomona, Pomona. Hey, hey, hey, hey. Pomona, détruit, mets en miettes, mets dans la poussière. Détruit. Dieu t'appelle à détruire. Tu es un destructeur des hôtels. Tu es un destructeur des hôtels. Je ne vais pas casser ton ardeur. Je ne vais pas casser ton rythme. Je vais nous aider à prier. Il y a quelqu'un qui s'est joué du revêtement. Cet homme-là sur qui Dieu a investi. Comme Gédéon, Dieu l'a appelé à délivrer son peuple. Et Dieu s'est choisi un homme. Il lui a donné sa force. Cet homme, c'est Samson. La Bible déclare qu'il y avait une faiblesse dans la vie de Samson. C'était les femmes. Plusieurs ont détruit leur ministère. Plusieurs ont été déchus de l'autorité divine. À cause du péché dans leur vie. Et Samson est le modèle et le type de chrétien de nos jours. Qu'ils pensent qu'avec leur revêtement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Écoutez, un jour, on l'a mis sur les lits. On a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. J'aime la réaction de Samson. Et il dit, je vais me lever et je vais combattre. Je vais les exterminer. Le monde des ténèbres est calculé. Il comptait. La deuxième fois, on dit, Samson, les Philistins sont là. Il dit, je vais le faire comme les autres fois. Mais la dernière fois a été fatale dans la vie de Samson. Ne dis pas parce qu'on ne m'a pas arrêté qu'on ne connaît pas. Mais Dieu te voit. Il y a quelqu'un qui doit mettre sa vie en ordre ce soir. Il y a quelqu'un qui doit mettre sa vie en ordre ce soir. Lorsqu'on lui a coupé les cheveux, la femme a crié, Samson, les Philistins sont sur toi. J'aime la réaction. Une réaction orgueilleuse. Samson a sursauté et a dit, je me leverai comme toutes les autres fois. Mais il y a un verset le plus triste de la Bible qui dit, mais il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Plusieurs chrétiens, nous sommes des chrétiens des façades. Mais Dieu nous a déjà quittés. Plusieurs chrétiens, nous sommes en train de prêcher par expérience. Mais Dieu nous a déjà quittés. Écoutez ce que David est en train de dire. Il avait peur d'une chose. Lorsqu'il est tombé avec Bathsheba, la femme du Uri, David a dit, lorsqu'on lui a envoyé le prophète Nathan, il a dit, je préfère tomber dans les mains de Dieu. Et il était en train de dire, prends-moi la royauté. Prends-moi la richesse. Prends-moi ce que j'ai de plus précieux. Mais il y a une chose que David a refusé que Dieu prenne. Il est en train de dire, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. David s'est rendu compte que sans l'esprit de Dieu, il est vulnérable, il est fragile. Alors, est-ce que dans ta vie, l'esprit de l'Éternel y est toujours? Tu entres en prière, tu es en train de dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Je suis en train de vivre dans la routine, dans l'habitude, alors que tu n'es pas avec moi. Ce soir, je veux me réconcilier avec toi. Parce que j'ai besoin du revêtement. J'ai besoin du revêtement. Le revêtement précède, l'obéissance précède le revêtement. Alors tous d'un cœur contrit, nous sommes en train de demander pardon. Et par la même occasion dire au Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Prions au nom de Jésus Christ. Prions au nom de Jésus Christ. Tu n'as plus l'esprit de Dieu. Alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te convaincre que c'est de toi. Il n'y a plus l'Esprit de Dieu en toi. L'habitude s'est installée en toi. L'habitude s'est installée dans les services. Tu viens au culte quand tu veux. Tu modères quand tu veux. Tu chantes quand tu veux. Tu ne seras pas candidat au revêtement. Sors de l'habitude. Sors de la paresse. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Comme Gédéon, Dieu t'a choisi. Obéis, obéis, obéis, obéis. Oh, l'Esprit de Dieu. Ne nous retire pas ton esprit. Ne nous retire pas ton esprit. Ne nous retire pas ton esprit. Ne nous retire pas ton esprit. Ne nous retire pas ton esprit. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Il est revenu auprès de Dieu. Reviens, reviens. Il n'y a pas de revêtement lorsqu'il y a éloignement. Je vais donner une dernière requête. Après quoi, papa va prendre le relais. Nous avons dit comment recevoir. Par la disponibilité. Par la recherche. Je suis disposé. Écoute, en ce moment, tu n'as pas besoin de crier. Dieu ne cherche pas des héros. Dieu cherche des chrétiens disponibles là, maintenant. Si j'avais les yeux, j'allais te dire, je vois les anges, je ne vois rien. Mais Dieu, il veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible? Il y a quelqu'un qui veut quelque chose de plus. Dis au Seigneur, crée en moi la soif. Je veux une soif ainsi qu'une faim qui me dérange. C'est dans la proximité que Dieu revêt. Le bruit du monde ne permet pas de recevoir l'huile de la part de Dieu. Il faut une chambre haute. Et c'est cette chambre-là dans laquelle nous nous retrouvons. Dis, Seigneur, attire-moi dans ton lieu secret. Établis ton trône dans l'intimité. Crée en moi une soif qui me dérange. Je veux être plus près de toi. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous parlons d'abord de la plénitude. Dans la plénitude, il y a plein. Dans la plénitude, il y a plein. Nous ne demandons pas au Saint-Esprit de venir. Nous sommes en train de demander au Saint-Esprit de se manifester. C'est la plénitude. Il y a quelqu'un qui va être arrosé. Lorsque tu vas déborder, c'est alors que le revêtement va venir. C'est alors que le revêtement va venir. Mais cherche d'abord le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, ta plénitude maintenant. Ta plénitude maintenant. Ta plénitude maintenant. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi le revêtement va venir. Parce que le revêtement tire sa source du Saint-Esprit. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis assoiffé. Donne-moi la soif, la soif, la soif. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. La Bible déclare, Jésus-Christ souffla sur les disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, sois disposé. Sois disposé. Que l'onction de Dieu descende maintenant. Il y a un manteau, il y a un manteau. Il y a un manteau. Il y a un manteau pour quelqu'un ce soir. Il y a un manteau pour quelqu'un ce soir. Oui. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça brûle au-dedans, ça brûle au-dedans, ça brûle. Je suis disposé. Ça brûle au-dedans. À sauver. Ça brûle au-dedans. Ça brûle au-dedans. Sous ma main. Que le Saint-Esprit brûle en toi. À sauver. Que le Oh, quel moment merveilleux. Quand j'étais en train de suivre, il y a deux choses qui me sont venues à cœur. La première chose. Et ça, j'aime comment l'Esprit de Dieu travaille. On dirait que Dieu a mis ensemble hier le prophète Jado et aujourd'hui le pasteur Olivier. Pour leur dire ce qu'ils doivent dire. Je me suis retrouvé en face des mêmes choses dites de différentes façons. Le revêtement. La manifestation. L'expérimentation. L'obéissance. Oh, ça j'aime. Est-ce qu'on peut avoir acclamé pour le Saint-Esprit? Pour le Saint-Esprit. Écoutez ce que l'Esprit dit au prophète. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ce que l'Esprit commençait à dire. Toutes les sept églises. C'est ce que l'Esprit disait. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit est terrible. Dieu est en train de préparer l'Église pour la Pentecôte de demain. Et toi qui es là, tu es heureux. Donc, Dieu nous dit. Il met ensemble pour expérimenter, pour être revêtu. Et après, Dieu prépare pour le travail de demain. Et je sens que demain, ça sera extraordinaire. Alors, Seigneur, la chambre haute, Dieu les a mis à part. C'est comme ça que les gens étaient surpris d'entendre ce qui s'est passé là-bas. Dieu les a isolés de tous les problèmes du monde pendant 10 jours. Si tu ne t'isoles pas du monde, il y a des choses de Dieu que tu n'expérimenteras jamais. Dans la vie, quel que soit le niveau, il y a des moments de break où tu t'isoles d'abord de tous les principes, de tous les problèmes du monde. Tu cherches Dieu. Il y a le niveau de révélation de tout le monde. Mais il y a des niveaux de révélation que tu dois chercher. Il y a des dimensions que tu dois chercher. Pendant quelques minutes, chacun va prier. Il a dit quelque chose que j'ai aimé. Quand tu as rencontré Gédéon, avant d'aller en mission, Dieu a fait de Gédéon un adorateur. Oh, ça c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Papa, nous sommes pressés. Maramengi, tu connais araka. Pressés. Araka kabisa. D'aller en mission, de faire des activités. Wenda fanya kazi moja fulani. Et nous oublions que la première chose. Na sababu kama jambo la kwanza. C'est d'être adorateur. Kuya kwanza mutu waabudu. Alors pendant quelques minutes. Wenda kwa muda kitambo. Mais tu es en train de nous préparer pour demain. Ungana tutayarisha kwa ajili ya siku ya kesho. Et ça c'est merveilleux. Aini kiema kabisa. J'aimerais que tu pries. Na Dis Seigneur, je suis disponible. Je suis prêt. Tu adores le Seigneur. Tu t'isoles du monde. Dans ta pensée. Tu dis non, non, c'est fini maintenant. C'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou rien. Élève ta voix, commence à prier. C'est Dieu ou rien dans ta vie. C'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou rien. Oh, dans ma maison, dans ma vie, dans mon travail. C'est Dieu ou rien. Je me sors, je me sépare de toutes les choses du monde. C'est Dieu ou rien. Je veux t'adorer. Je veux. Je bénis ton peuple. Je bénis la parole de ce soir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Oh, que Dieu te bénisse. Nous donnons les offrandes. Et puis nous donnons les communiqués. Ne partez pas. Juste quelques minutes. Et nous allons terminer.